Cartel Records. Yo, yo, hey, challenger en forêt. Je suis d'attaque, un challenge enchanté, faut les faire danser. Je baisse les games et les yeux bandés. Je ferme les yeux pour y voir plus clair. Lyricalement, je les fais brander. Je suis en désir de fierté de baiser. Laisse tomber, le démon est en moi. Y'a que la lune qui m'éclaire dans le noir. Je veux la tête du roi, moi je veux son empire. Nique sa mère, on se fait tout seul. On suce pas de but pour remplir des salles. Le taf est propre et la prod est sale. Mais pas ta meuf sur un piédestal. Allume ton buzz, belle et qu'elle est 22. Roule un blunt dans un bon joint de peu. J'ai cru comprendre que tu voulais ma peau. Tu peux pas me tester, même pas un peu. Même pas peu. Pour se mettre bien, on a fait du mal. Des culs en espérant qu'un jour ils vont rentrer dans les annales. Dans les annales. J'suis déterminé qui va me soutenir, c'est ton pyramide. Si j'monte au sommet, j'vais crever l'œil de la pyramide. La pyramide. Qui va me stopper? Non, c'est pas la wifi. J'ai un truc à dire, le monde part en couille depuis la mort de monsieur Kadhafi. De monsieur Kadhafi. Vais ce qu'il est que fait la douane hollandaise, pas besoin de parler. Tu connais déjà les jazz pour ses pères, ils ont ken pour quelques billets. Ils ont donné leurs fesses. J'suis le boss, tu connais la devise. Pas de pute à la maison, j'ai connu les casse-pipe. J'encaisse, je fais la casse d'aide, amasser des R, fais le tour de ma tête si tu veux de la stup. De la stup, fais le tour de ma tête si tu veux de la stup. J'ai pas de label, tout ce que j'ai, je le dois moi-même. J'fume un joint à ta santé, monsieur l'argent, moi je ne fais que chanter. C'est ma mélodie qui m'empêche de pioncer, j'ai une carrière qui m'empêche de rêver. J'peux compter que sur ma famille, j'suis l'acteur de mon propre vécu. Propre vécu, faut niquer le game, c'est plus des clips, c'est des films de cul. Parlez-moi de cachet, moi j'aime pas les balivernes, ne pas le temps de papoter mes terribles sur chaque thé. Un pied dans la merde et puis un pied dans la lumière, c'est mes démons qu'on fait le taf à ma soupe, la m'amène. 9-4 et tu connais le tempo, t'entends pas ou quoi, c'est la frappe à tempo. C'est la frappe de. Parlez-moi de cachet, moi j'aime pas les balivernes, ne pas le temps de papoter mes terribles sans chaque thé. Un pied dans la merde et puis un pied dans la lumière, c'est mes démons qu'on fait le taf à ma soupe, la m'amène. 9-4 et tu connais le tempo, t'entends pas ou quoi, c'est la frappe à tempo. C'est la frappe à tempo.